Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. We'll be right back. Vous êtes toujours dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL en écoute sur le 99 FM ou via le site RPL Electro. Replay sur le www.frequenceclub.com. each other and put away our problems. But whatever it is, we just need to forget about everything and just have a good time here tonight. It's really that simple. You just got to keep doing what you're doing and keep moving your life in the direction that you feel is best for you. Sur les ondes d'RPL.

La première heure de Fréquence Club s'achève. Vous retrouverez le podcast sur le site de la radio. Je vous donne la nouvelle adresse, c'est le www.rpl.radio. Restez calés, vous saurez si on enchaîne avec un mix ou un select track. We'll be right back. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL dans toute la métropole lilloise. RPL. Fréquence Club, 7h-9h, le son.